L'opulence y contribua, et cette opulence, devenue plus générale, était en partie, par une étrange révolution, la suite de la perte funeste de Constantinople, car, bientôt après, tout le commerce des Ottomans fut fait par les chrétiens qui leur vendaient jusqu'aux épiceries des Indes, en les allant chercher sur leurs vaisseaux dans Alexandrie et les portant ensuite dans les mers du Levant. Les Vénitiens surtout firent ce commerce, non seulement jusqu'à la conquête de l'Égypte par le sultan Selim, mais jusqu'au temps où les Portugais devinrent les négociants des Indes. L'industrie fut partout excitée. Marseille fut un grand commerce. Lyon eut de belles manufactures. Les villes des Pays-Bas furent plus florissantes encore que sous la maison de Bourgogne. Les dames, appelées à la cour de François Ier, en firent le centre de la magnificence comme de la politesse. Les mœurs étaient plus dures à Londres, où régnait un roi capricieux et féroce. Mais Londres commençait déjà à s'enrichir par le commerce. En Allemagne, les villes d'Augsbourg et de Nuremberg, répandant les richesses de l'Asie qu'elles tiraient de Venise, se ressentaient déjà de leur correspondance avec les Italiens. On voyait dans Augsbourg de belles maisons dont les murs étaient ornés de peintures à fresques, à la manière vénitienne. En un mot, l'Europe voyait naître de beaux jours, mais ils furent troublés par les tempêtes que la rivalité entre Charles Quint et François Ier excita, et les querelles de religion, qui déjà commençaient à naître, souillèrent la fin de ce siècle. Elles la rendirent affreuse, et y portèrent enfin une espèce de barbarie que les Hérules, les Vandales et les Huns n'avaient jamais connue.